Chapitre 4. À la rescousse. Oui, sire, disait Givré au réveil du roi. Je ne sais quel est ce maltôtier, mais il a bien failli m'empêcher de remplir ma mission auprès de... qui vous savez. Vous vous en êtes bien acquitté, au moins. Du mieux que j'ai pu. Vous m'avez rendu un fier service. Il était temps pour moi de quitter cette amourette. Mais cet homme... En revenant, je suis passé au même endroit. Plus personne. Cependant, il avait bien mordu le gravier. Est-ce à vous ou à moi que l'on en voulait? Peut-être ni à l'un ni à l'autre, sire, c'était la nuit. Et la nuit, tous les chats sont gris. Laissons cela. J'attends la varenne, car j'ai une autre mission à vous confier, mon bon, de compte à demi avec lui. Justement, Guillaume se fit annoncer. Qu'il entre, s'écria le Béarnais. Ah, mes amis, que votre vue me fait plaisir. Savez-vous comment les gens du Vatican ont obéi à mon ordre? Ils ont pris le chemin de Bayonne, annonça la varenne, pour entrer par l'Espagne, où ils vont sans doute porter Sa Majesté Philippe II l'écho de ce qui s'est passé hier au château de Pau. Sire, dit Roselin de Givry, j'avais pensé à les suivre. Non, mon cher Belcoeur, vous ferez mieux que cela, vous les précéderez. Il serait un peu tard. Oh, pas par la même route. Je veux dire que vous arriverez avant eux à Rome, où vous aurez affaire pour moi, en prenant un autre chemin. Quand part-on? Demanda Givry avec vivacité. Ah, Belcoeur, je reconnais là ton esprit d'aventure, s'écria le Béarnais, tutoyant familièrement dès lors son officier, comme il faisait pour ceux qu'il aimait, et en qui il plaçait sa confiance. Eh bien, tu seras content, et la varenne aussi. Ce disant, il les regarda d'un air mystérieux et satisfait. Droit devant lui, à quelques pas du lit royal, il se tenait déférent et attentif, vêtu comme pour la parade, malgré l'heure matinale. « Asseyez-vous, mes bons, » leur dit-il de sa voix engageante et chaude, assaisonnée d'un terroir léger. « Là, vous me plaisez tous deux, surtout pour ce que je vais vous demander de faire. Et vous allez bien vous accointer en ceci par vos facultés diverses. Toi, la varenne, tu agiras sur les hommes. Toi, Givry, tu entreprendras les femmes. Sire, est-ce que votre majesté m'estimerait incapable ? Commença Roselin avec dépit. Non pas, interrompit vivement le roi de Navarre. Je veux dire simplement que les habiletés de la varenne s'exerceront utilement du côté mâle, tandis que le capitaine Belcoeur y aidera. Par le côté femme. Cette fois j'ai compris, déclara Givry en riant. Cela ne m'empêchera pas de tirer l'épée et de ferrer par taille, estoque et flanconnade. En classant ainsi le rôle des deux officieurs, Henri se montrait un observateur et avisé psychologue. Le visage de Guillaume de la Varenne était tout un programme. Bouche légèrement ironique, œil malicieux et pénétrant, cet homme devait être un diplomate délié, capable de déjouer les fourberies les plus perfides. Avec son profil de camé, son regard doux et vif, sa taille bien prise dans le pourpoint de velours brun, Roselin représentait le type du vrai gentilhomme français. Il avait d'ailleurs de qui tenir dans cette famille de Givry, qui depuis Saint-Louis s'était montré prodigue de son sang et de sa valeur pour le service de la France. Et cette ascendance glorieuse donnait une gravité pensive à l'éclat de ses 22 ans, de même que son maintien militaire ajoutait de la force à l'élégance de son costume. « Belcoeur, reprit le roi, je compte sur toi, je compte sur vous deux pour mener à bien le projet que j'ai conçu. Le pape a gagné la première manche. Nous gagnerons la seconde. À la rescousse, mes camarades. » À ce moment, d'Aubigné entrait, comme chaque matin, pour le lever du Béarnais, qui restait moins de temps au lit que M. de Mayenne à table. C'était une habitude vieille de 20 ans, datant de l'époque où Henri et Agrippa, enfants, jouaient et étudiaient ensemble. Le roi de Navarre l'interpella. « Ah, mon ami, tu arrives à point. Puisque vous avez été tous témoins de l'affront qui me fut fait hier, vous saurez comment je veux m'en venger. Et tu vas même m'y aider, Agrippa. Certainement, sire. De quoi s'agit-il? De répondre à Sixte Quint. Et comment? De bonne encre et de plumes bien taillées sur grand papier pour afficher à la porte du Vatican. Tel est mon projet, et c'est pour le réaliser que j'ai besoin de vous trois. Toi, Agrippa, écriras le message. Ces messieurs le porteront à destination. Ma tâche est plus aisée que la leur, fit d'Aubigné. Placarder le Saint-Père sera moins difficile que de traverser les cardinaux, évêques, légats, auditeurs, vicaires et simples clercs qui gardent le Vatican. Au fait, que lui dire au pape? Ce que tu voudras. Frappe fort, comme il a frappé. Agrippa d'Aubigné sortit, pressé d'accomplir une œuvre si agréable à son âme de zélé calviniste. Alors, Henri se tourna vers la Varenne et Belcoeur. « Messieurs, le papier sera prêt ce soir. Tenez-vous prêts à partir sur l'heure. Entourez-vous de quelques compagnons adroits et solides. Vous passerez midi chez le trésorier qui vous comptera les sommes nécessaires. Et avant votre départ, je vous verrai pour vous souhaiter bon voyage. » Il les congédia d'un geste gracieux, puis il appela Armagnac, son valet de chambre. Il voulait se parer le mieux possible pour plaire à Françoise qu'il devait aller retrouver sur la plateforme du donjon de Gaston Phébus.